Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 1er octobre 1754, le roi Louis XV écrit à Monsieur mon frère et cousin, il écrit à son collègue Ferdinand VI, roi d'Espagne, qui lui parle du bonheur des peuples, de la grandeur de leurs deux monarchies. Il lui dit que les cours de Londres et de Vienne cherchent à briser cette belle entente entre la France et l'Espagne. Il explique que l'Autriche ne pardonnera jamais à la France d'avoir établi Philippe V sur le trône d'Espagne. Philippe V, c'est-à-dire un Français, le petit-fils de Louis XIV. Tout ça est histoire de famille. Hein. Louis XV est quant à lui l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Et dans sa lettre, il précise « Les Anglais ont été de tout temps les ennemis constants et implacables de notre sang et de notre maison. Nous n'en avons jamais eu de plus dangereux. » Tous les Anglais sont-ils tous dangereux quand ils s'intéressent à la France et à Louis XIV? Sans doute pas, au contraire même. Surtout quand ils sont historiens, surtout quand ils s'appellent Philippe Mancel. Ces lumières nous éclairent sur le règne du roi Soleil. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, aujourd'hui nous nous intéressons au règne de Louis XIV. Au règne de Louis XIV avec vous, Philippe Mancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, vous êtes président du conseil scientifique du centre de recherche du château de Versailles. Vous êtes spécialisé, et c'est très intéressant, dans le phénomène curial, pour utiliser un mot compliqué, c'est-à-dire la cour. Qu'est-ce que la cour, cette chose extrêmement complexe, qui est essentielle en fait au cœur des sujets historiques dès qu'il est question de monarchie, et c'est le cas avec Louis XIV. Et vous venez avec Louis XIV, roi du monde, aux éditions Passé Composé, Philippe Mancel. Louis XIV, roi du monde. Rien que dans le titre de votre ouvrage, il y a déjà cet angle qui nous intéresse. Louis XIV, vous le voyez comme un homme hors de Versailles, alors que souvent on le présente juste en roi de Versailles. Oui, il est loin de l'être uniquement. Il connaît très bien la France, par exemple. Bien mieux que bien des chefs d'État postérieurs. Il va à Dunkerque, il va à Toulon, il va à Saint-Jean-de-Luz, il va à Strasbourg. Il connaît aussi bien l'Europe. Il est né pas seulement dans la maison de France, mais dans la famille des rois. Sa mère, comme sa femme, sont des enfants d'Espagne. Il est cousin de tout le monde, du roi d'Angleterre, du duc de Savoie. Il s'intéresse à l'Europe. Versailles reçoit toutes les heures des courriers de partout en Europe. Et en plus de ça, il a des ambitions mondiales. Il veut prendre le Siam, prendre la vallée du Mississippi, faire des colonies en Afrique, aux Indes, être en rapport avec la Russie et avec son bon ami, l'empereur de la Chine. Et effectivement, hein, Philippe Mancel, Louis XIV, oh, j'ai envie de dire, c'est un roi que nous connaissons, il y a des publications. Et dans une nouvelle biographie, nous cherchons toujours ce qu'il y a de plus, cette approche nouvelle. Et en l'occurrence, effectivement, il y a ce regard très particulier. Alors, est-ce parce que vous êtes britannique? Je ne pense pas, c'est surtout parce que vous êtes historien et bon historien, avec ce regard global. Vous êtes aussi spécialiste, Philippe Mancel, de l'Europe globale, de cette Europe qui s'étend même avec ses voisins, et notamment Constantinople. Et ce regard est un échange constant. C'est ce que vous avez constaté avec votre Louis XIV. Vous quittez Versailles. C'est quelque chose qui est prégnant dans votre ouvrage. Versailles, vous le dites, hein, vous faites sortir Louis XIV de Versailles. Merci beaucoup. J'ai essayé de le faire. Versailles était un global hub, le centre de nouvelles, le centre de courriers. Il avait toujours des officiers, des gouverneurs de province qui venaient, qui en partaient. Et c'était comme la Maison Blanche aujourd'hui, peut-être encore plus, parce qu'il n'y avait que Versailles, que le château, donc on pouvait penser plus rapidement et plus facilement à d'autres pays. Même à Marly, entre deux balles, on parle de la vallée du Mississippi ou du commerce avec l'Espagne. Et on est très sensible au fait de que les Hollandais sont déjà en Extrême-Orient, donc il faut que les Français mettent la main sur Bangkok, par exemple. Et on vient de découvrir ce tableau merveilleux qui dit tout, qui est maintenant rue de Marignan, chez Oscar de la Renta, le tableau de l'ambassadeur de Louis XIV, en habit Louis XIVien, devant la ville de Jérusalem en 1674. Des ambassadeurs, des agents, des consuls de Louis XIV sont partout au monde. Oui, c'est important de le souligner, ils sont partout dans le monde. Et à l'inverse, les ambassadeurs viennent à Versailles, où il y a l'escalier des ambassadeurs. Oui, ils reçoivent par exemple en 86 les ambassadeurs du roi de Siam. Et il y a tant de monde dans la galerie des glaces que les ambassadeurs ont de la difficulté à arriver jusqu'au trône du roi. Et le roi lui-même doit descendre et avec sa canne faire de la place pour les ambassadeurs. Ça dit le nombre de gens qui allaient à Versailles et la relative liberté d'action des courtisans. Alors écrire une biographie de Louis XIV n'est pas simple, c'est même difficile. Et vous jouez, Philippe Mancel, avec différentes échelles. C'est un jeu, une construction intellectuelle pour faire comprendre au lecteur ce que pouvait être Louis XIV et même le siècle de Louis XIV. Et dans ce jeu, il y a, et de manière très nette, dans les échelles possibles, du plus local avec Versailles au monde entier. Et vous jouez sans cesse avec ça, avec l'Europe au centre de votre réflexion. Oui, il avait une certaine idée de l'Europe. Il voulait que la France devienne plus grande et plus puissante, mais aussi il savait que le pouvoir et le bonheur de la France dépendaient aussi de ses alliés. Donc il voulait renforcer les liens avec la Suède, la Pologne, surtout l'Empire ottoman, qu'il a défendu contre les armées autrichiennes qui avançaient presque jusqu'à Constantinople. Il y a de la diplomatie. Nous évoquons les ambassadeurs. Il y a également la guerre. Louis XIV, roi conquérant, alors la question peut se poser parce que ce n'est pas comme ça qu'il apparaît dans les grands personnages de l'histoire. Nous avons ces conquérants, Alexandre le Grand, Napoléon, Louis XIV. Nous le réduisons souvent à Versailles, hélas, alors qu'il y a des guerres majeures. Je vous propose, de manière souriante, de nous rendre à Versailles, mais alors avec un guide magnifique, c'est Sacha Guitry en 1954 dans le film « Si Versailles m'était compté ». Le roi part pour la guerre. Le roi désire faire ses adieux à Madame la Marquise de Montespan. Le roi désire faire ses adieux à Sa Majesté la Reine. La qualité de conquérant est le plus noble et le plus élevé des titres. Et le métier de roi est délicieux. Faites-moi vos adieux, madame, et restez-moi fidèle. Qu'on me laisse un instant. Êtes-vous enceinte en ce moment? Oui, frère. Je vous en félicite. Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry en 1954, Louis XIV, roi conquérant. Dans cette réflexion, Philippe Mancel, autour de ce souverain comme roi du monde, la question se pose de la guerre. Louis XIV, roi conquérant, vous acceptez, vous nuancez? Oui, et on le voit encore sur la porte Saint-Martin, en Hercule nu, qui a abattu les Hollandais et les Allemands. C'était un roi conquérant, c'est à lui qu'on doit trois belles provinces, Flandre française, Alsace et Franche-Comté. Mais c'était peut-être un roi conquérant pour le fait de l'opinion, pour faire la guerre de siège, prendre des villes comme Maastricht, glorieusement, qui n'étaient jamais tombées dans les mains des ennemis, etc. Mais il préférait voir faire la guerre que la faire lui-même. Il y a une phrase assassine dans une lettre de sa belle-sœur, madame. Le roi n'était pas poltron, mais... Et il n'ose presque pas aller dans la ville conquise d'Utrecht. Il avait un peu peur. Et on dit que l'armée française, en 72, aurait dû fondre sur Amsterdam, prendre Amsterdam tout de suite. Au lieu de ça, le roi est bien plus cautious. Et à Heurtebise, en 76, il a manqué l'occasion de faire la bataille lui-même avec Guillaume III, son plus grand adversaire. Mais C'est un roi conquérant d'une autre façon, plus subtile et plus efficace. Il a pris beaucoup de territoires. En Alsace, par exemple, par les réunions, des conquêtes légales ou semi-légales ou illégales, mais par voie de procès et de procédure et d'avocats. Et ces conquêtes-là ont été plus permanentes. Oui, des conquêtes permanentes qui nous fait donc, et on le sent bien dans ce jeu d'échelle, sortir de Versailles. Hein, ça y est, nous allons un petit peu en Hollande. Nous partons découvrir l'Europe avec Louis XIV, alors qu'il soit à Versailles à travers les courriers qu'il reçoit. Et puis, vous avez un regard qui est beaucoup plus large. Vous l'avez évoqué, Philippe Mancel. Votre étude s'étend du Mississippi au Mékong. C'est-à-dire que Louis XIV doit se comprendre à l'échelle mondiale. Et c'est aujourd'hui une préoccupation des historiens, des historiennes, ce changement d'échelle, de regarder l'histoire, mais sur le monde, une histoire mondiale. Oui, et tout le monde vient à Versailles, des ambassadeurs de Siam, des missionnaires catholiques très importants qui renseignent le roi sur comment est la vie à Pékin ou à Bangkok ou en d'autres lieux. Et le roi lui-même, pendant son déjeuner public, il pose des questions à des voyageurs. Il y a un livre merveilleux, Les Mémoires du Chevalier d'Arvieux, consul de France à Alep, et il allait et venait entre Alep et Versailles, il renseignait le roi sur la vie dans l'Empire ottoman. C'est lui une des sources pour les éléments turcs de la pièce de Molière. Et Philippe Mancel, dans votre Louis XIV, roi du monde aux éditions Passé Composé, au-delà de ce jeu d'échelle, il y en a d'autres. Il y a un jeu sur le temps. Vous jouez aussi beaucoup sur le temps long et le temps du règne et le temps court de la décision politique. C'est important également pour comprendre comment Louis XIV pouvait se percevoir comme un souverain universel, disons-le. Oui, il ne pensait qu'à ça, il ne pensait qu'à l'immortalité, qu'à être un nouvel Alexandre le Grand. Il connaissait très bien l'histoire d'Alexandre le Grand depuis sa jeunesse. Il se représente en empereur romain ou en Alexandre le Grand. Et pourquoi est-ce qu'il construit Versailles? Il y a des raisons personnelles, il a l'aversion de Paris. Il veut la vie de campagne, les chasses, mais aussi il veut l'immortalité par la pierre, par le palais. Et il y a bien réussi, je trouve, parce que tout le monde vient encore à Versailles. Et c'est le palais le plus visité après la cité interdite. Et il a fait ça exprès pour conquérir le temps, pour renouer avec les empereurs romains et pour faire mieux que les palais romains, ou antiques ou modernes, parce que les Français au XVIIe siècle avaient un peu un complexe d'infériorité envers les artistes italiens de la Renaissance. Oui, d'où Versailles. Et c'est vrai que Versailles, vous le dites, hein, Versailles est créé en fait pour le monde. Pour le monde, pour l'Europe, pour impressionner et attirer les étrangers. Et il y a bien réussi encore, les étrangers venaient et viennent encore. Et Philippe Mancel, vous le dites aussi, Versailles est créé pour l'avenir. Et dans ce jeu sur le temps, il y a une conception même de ce qu'est le pouvoir, de ce qu'est la monarchie, qui ne doit pas se comprendre juste sur le moment du règne de Louis XIV, mais le souverain a une vision beaucoup plus large. Cette vision du roi du monde, faut-il la réduire à simplement une idée d'ego, de dominer le monde, ce qui est caricatural? Non, Louis XIV, c'est une vision plus théorique de ce qu'est cette domination universelle. Oui, de conquérir l'immortalité, c'est pour ça qu'il a été avec des écrivains si brillants autour de lui, qu'il passait beaucoup de soir à discuter avec Racine, et disait de Racine: je vous louerai plus si vous me louiez moins. Et il l'a traité presque en égal. Il y avait des rapports plus intimes avec Racine, qui écrivait l'histoire du roi pour le futur, que n'importe quel souverain français avec d'autres écrivains. Et puis justement, en évoquant l'intime, Philippe Mancel, il faut évoquer un autre jeu que vous mettez en place dans votre Louis XIV, c'est entre l'intérieur et l'extérieur. Vous êtes spécialiste de la cour, et pas seulement celle de Louis XIV, globalement du phénomène curial, parce que les cours sont partout, même aujourd'hui encore, et même dans les républiques, et même dans les palais présidentiels, il y a des cours. Ce Louis XIV doit être étudié avec la cour, mais la cour qui ne doit pas être comprise uniquement comme étant là pour agrémenter le quotidien du souverain. Non, loin de là. Il y a les divertissements. Ce sont les divertissements en particulier qui distinguent Versailles des autres cours. Mais aussi, c'est un palais qui travaille, a working palace, comme on dit en anglais. Et les ailes des ministres à Versailles le distinguent tout autant des autres palais. Et la cour est efficace. Les ministres sont là. Les courriers sont là. Les petits appartements, les appartements intérieurs où le roi peut travailler, ou l'appartement de Madame de Maintenon où aussi il travaille avec les ministres. Et tandis que la cour se divertit en bas dans les grands appartements, le roi est de plus en plus souvent en haut avec les ministres, travaillant même jusqu'à minuit, même à 70 ans. Oui, et puis c'est vrai qu'en évoquant la cour et tout ce travail, Philippe Ancel, vous avez une approche du règne de Louis XIV qui comprend également tout ce qui est l'économie, la finance. Et le palais, le château de Versailles, c'est aussi l'économie. C'est un monde entier. Versailles se veut à l'image du monde. Versailles en soi est une ville, ça a été souvent dit, mais l'on peut dire aussi que c'est une caricature, un résumé du monde, d'un monde idéal. C'est un monde idéal, oui, et surtout avec les feux d'artifice pour les divertissements et les réceptions d'ambassadeurs. Mais c'est aussi un monde très pratique où on montre que les Français peuvent faire des sculptures ou des tableaux ou des glaces mieux que n'importe quel autre pays, où on montre la richesse et le luxe des vêtements, très important pour l'industrie à Paris et à bien d'autres villes. Donc, c'est une vitrine autant qu'une cour. Et aussi, c'est une éducation. Les étrangers venaient à Versailles, pas seulement pour voir le roi, admirer le palais, mais aussi, et on le dit à l'époque souvent, pour la conversation, pour apprendre à vivre, comment parler, jouer, danser. Il faut avoir vu, c'est le titre d'une émission qui, le 15 octobre 1962, s'intéressait au moment magique, ce moment où le roi dîne. Et voici le deuxième service. Après les petites entrées et amuse-bouches comme pigeonneaux, perdrix et poulets fricassés, ce sont des nourritures plus consistantes. 2 chapons gras, 4 poulets aux truffes, 2 dindons grillés, une poule garnie de quelques poulets aux œufs. 4 lapereaux, un petit quartier de veau piqué et servi dans son jus, 6 tourtes à la braise et un salmi gondi de canard, pigeon et toutes sortes de gibier cuit avec muscade, poivre, thym, gingembre et basilic. Ben dis donc, mais entre nous, monsieur le premier maître d'hôtel, le roi ne va pas manger tout cela. Il en laissera peut-être, mais il goûtera de tout. Le roi a un fort bel appétit qui tient de sa mère, Madame Anne d'Autriche, que l'on surnommait à cause de ses capacités digestives, Madame d'Autruche. Madame d'Autruche. Le roi a un estomac encore plus grand, un véritable estomac royal. Le roi a un fort bel appétit. Philippe Ancel, quand nous entendons un extrait comme ça qui raconte un repas du roi. Bon, bien sûr, nous sommes fascinés, amusés même, c'est peut-être même le but. Mais surtout, de là, vous pouvez relire toute une histoire. Il y a de l'économie derrière. Nous entendons parler de gingembre, de choses comme ça. Oui, et tous ces repas le rendaient souvent malade. Il y avait des vers. Les médecins sont affolés par quand ils constatent que le roi a tant mangé. Il aimait aussi beaucoup les figues et c'est étonnant qu'il ait vécu si longtemps. C'est étonnant parce qu'il n'était pas en très bonne santé. Pas du tout, du tout. Il passait des jours entiers au lit et il avait des vapeurs et puis il a cette grande opération pour la fistule et il n'a dit que « Oh mon Dieu !» 2 ou 3 fois et c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, il y a les autres opérations autour de la mâchoire du roi Louis XIV. Et c'est ce jeu, en fait, du Louis XIV intime et puis du Louis XIV rayonnant que vous proposez dans votre ouvrage, Philippe Ancel. C'est vrai que le moment de la mâchoire est un moment cautérisé au fer rouge et il ne dit rien. Oui, et puis il choisissait mal ses médecins. Il y avait de bien meilleurs médecins à Paris qu'à la cour. Et les courtisans le disent tout le temps. Et à la fin de sa vie, il fallait faire venir les médecins de Paris parce que Fagon assassinait ses patients. Ce qui est pas bien. Et pas seulement le petit-fils, le fils, d'autres enfants du roi, mais on dit que le roi lui-même aurait pu vivre plus longtemps sans son propre médecin. Mais alors, bon, déjà, le roi a vécu vieux, mais surtout, il arrive un moment où il y a des réflexions sur ce qu'est cette période du règne de Louis XIV. Et Philippe Mancel, il y a comme un constat d'échec, peut-être. C'est vrai que l'image a gagné. L'image a gagné. Aujourd'hui encore, nous sommes fascinés par cette image-là. Mais c'est vrai que, voilà, vous le notez, qu'à la fin de son règne, la France n'était pourtant plus la puissance européenne suprême. Oui, c'est vrai. La maison d'Autriche a pris encore plus de terres en Italie. Londres a dépassé Paris en population et en richesse. L'Angleterre est devenue une puissance globale. Piémont et la Prusse montent en puissance. La France a perdu de la population relativement à d'autres pays. Il y a l'exode des Huguenots, une des plus grandes erreurs du règne, qui renforce les propres ennemis de la France avec des Français qui auraient été les plus fidèles sujets du roi. Mais il y a ça, il y a un bilan économique désastreux. Le roi laisse la France endettée, mais il a quand même gardé son petit-fils, roi d'Espagne. Et pour lui, comme pour, de mon avis, tous les autres monarques de son temps, c'est ça le point principal. Oui, c'est le point principal, en fait, de Louis XIV, qui a une vision sur le temps long avec Versailles qui doit rester, et la monarchie doit rester glorieuse. Oui, et pour lui, le fait qu'il y ait un Bourbon en Espagne, renforce la puissance française. Et peut-être qu'il n'avait pas totalement tort, parce que les deux pays restent alliés au XVIIIe siècle, et ensemble, ils gagnent la guerre de l'indépendance américaine contre la Grande-Bretagne. Et il y a encore un Bourbon sur le trône d'Espagne. Et puis, il a gagné la bataille de l'image. Il s'est imposé comme celle d'un souverain fastueux. Un écho que nous entendons sans cesse aujourd'hui. Tenez, Philippe Mancel, je vous propose de croiser votre reine, Elisabeth II, avec le prince Philippe, mais c'était en avril 1957 quand les souverains britanniques étaient de passage à Paris. Si ce lundi avait été le jour de la reine, le lendemain était le jour du roi soleil. C'était Versailles, en effet, la merveille éblouissante du grand siècle qui recevait la visite royale. Les appartements où Louis XIV étala sa grandeur, où avec Louis XV se déploya la grâce du XVIIIe siècle, où Louis XVI et Marie-Antoinette connurent les dernières heures de l'ancien régime, présentèrent à la souveraine britannique le décor de grâce et de beauté dans lequel avaient vécu les souveraines françaises du temps de la douceur de vivre. Et de la galerie des glaces où le déjeuner devait être servi, comme il le fut voici bientôt 20 ans au roi George VI, son père, Sa Majesté Elisabeth pouvait découvrir par les immenses baies l'ordonnance magnifique des jardins de Lenôtre, où les eaux, les pierres, les bronzes et les feuillages s'unissent pour dessiner l'un des plus beaux cadres du monde. En 1957, la reine Elisabeth II se trouve à Versailles. Et c'est sûr que sur des images qui sont liées à cette actualité, il y a comme une incohérence. C'est-à-dire que la reine est dans son élément. D'ailleurs, elle a le diadème, elle est sublime. Et puis, la monarchie existe encore. Au Royaume-Uni, il n'y a pas de souci. Et la République, en fait, est là. Mais l'incohérence n'en est pas une. Tout est bien fait pour accueillir le pouvoir, j'ai presque envie de dire, quel qu'il soit. Quelle lecture faites-vous, Philippe Mancel, de cette présence Louis XIVienne dans notre République? Oui, c'est fascinant. L'impact à long terme de Versailles. Il y a beaucoup d'imitations en Angleterre. Il n'y a pas d'imitateur plus fidèle que les Anglais à Windsor, Chatsworth, Hampton Court. Et l'influence à long terme ici, en France. C'est-à-dire, c'est le pays de occidental où le pouvoir exécutif est le plus grand. Ça ne peut pas être totalement une coïncidence qu'avec une monarchie si forte, on a un pouvoir présidentiel si fort. La constitution de la Ve République, c'est de Gaulle qui vient d'un milieu royaliste, ultra-royaliste même. Et c'est le régime qui a marché le mieux, de mon avis, bien mieux que la Troisième ou la Quatrième République. Et le phénomène court. C'est on peut en parler pendant toute une vie, mais évidemment il y avait une cour autour de Mitterrand. On n'en sait pas encore tout, et le pouvoir de l'Élysée est bien plus grand que sous la Quatrième République. Et tout le monde dit que c'est une monarchie républicaine ou une république monarchique. Mais la République s'accommode très bien des ors laissés par les souverains français, notamment Louis XIV. Et le phénomène de la cour n'est pas lié uniquement à un régime politique, une monarchie ou une république. Philippe Mancel, c'est ce que vous avez pu étudier dans vos ouvrages. Et là, avec le Louis XIV, vous avez une réflexion très intéressante sur ce qu'est le pouvoir en France. Ce Louis XIV que vous nous proposez, roi du monde, en fait, c'est dans une longue tradition de la lecture du pouvoir en France. Oui, et la lecture pouvoir, les rapports du pouvoir avec l'armée, avec les écrivains, et surtout avec les banquiers, il commence en 61 en disant la calamité générale de mes peuples. Il emprisonne Fouquet à cause des dilapidations financières, mais en 1715, quand il meurt, c'est toujours la même histoire. Les financiers qui s'enrichissent et l'État qui s'appauvrit. Philippe Mancel, je vous remercie vivement de nous avoir parlé de votre Louis XIV parce que, comme le sous-titre l'indique, le sous-titre en français, hein, Le Roi du Monde, qui est le titre en anglais d'ailleurs. Oui. Le Roi du Monde, c'est le titre anglais, et Louis XIV est le sous-titre, ce qui est intéressant hein, comme inversion. Ce Roi du Monde, c'est une approche de Louis XIV qui nous parle, parce que c'est la biographie de Louis XIV, et ça c'est toujours intéressant, mais avec un regard particulier, celui d'un historien qui se détache de Versailles, et ce n'est pas évident quand on étudie Louis XIV. Louis XIV, par exemple, il connaissait bien Dunkerque. Il est allé 6 fois de sa vie à Dunkerque. Quel autre chef d'État aurait fait pareille chose? Louis XIV va tous les ans à Fontainebleau et à Compiègne, presque tous les ans à Compiègne. Et ses ministres passent la moitié de leur vie à Paris. Le gouvernement est partagé entre Paris et Versailles. Il reçoit des courriers de tous les provinces tout le temps. Il veut connaître le détail en tout, c'est sa phrase préférée. Et bien sûr, jusqu'en 1693, quand il est en guerre, il va tous les étés en campagne, en Flandre. Ben voilà, une vie de Louis XIV dans les détails à comprendre, mais avec un regard général. Merci vivement Philippe Mancel. Dites donc, vu qu'on est à Versailles, restons-y. Mais alors, accroché aux grilles de Versailles, comme Édith Piaf dans le film « Si Versailles m'était compté », et oui, parce que Versailles, c'est aussi la Révolution. Nous partons par le cinéma en 1789. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira. Les aristocrates, on les pendra, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira. Les aristocrates, on les pendra, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Sublime Édith Piaf dans le cours de l'histoire à Saïra, le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Jérémy Kaufmann. Dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à l'actualité de l'histoire et à la transmission de l'histoire. Et au moment de la rentrée des classes, oui, des questions se posent. Comment parler d'histoire aux plus jeunes et notamment d'histoire difficile à expliquer? En tout cas, telle que l'on entend parler parfois dans les sondages, alors que cette histoire-là est une nécessité collective, c'est l'histoire de la Shoah. Et pour nous en parler avec nous ce matin, Marini Bambi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des activités hors les murs au mémorial de la Shoah, des activités pédagogiques. Et justement, il y a toute une actualité. Dimanche, là, 13 septembre, aura lieu la cérémonie du souvenir en mémoire des déportés et des victimes de la Shoah. Un nouveau sondage va paraître autour de la connaissance que les plus jeunes ont de la Shoah. Alors, nous verrons dimanche ce que va dire ce sondage, mais il y en a eu d'autres. Et récemment, c'était en 2018, un sondage par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès expliquait que 19% des 18-34 ans ne savait pas ce qu'est la Shoah. Marini Bambi, quelle lecture avez-vous de ces sondages? Sont-ils inquiétants? Alors, si on doit parler de ces sondages, c'est certes quelque chose d'intéressant, mais j'ai mis à l'égard de ces sondages quelques doutes en tout cas et mise en garde. À savoir qu'on sait tous aujourd'hui qu'un sondage, il faut savoir les conditions dans lesquelles il a pu être fait. On se posait déjà des questions l'année dernière, effectivement, quand on a eu le résultat de ce sondage. Aujourd'hui, je m'interroge encore et j'en arrive à me dire que finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce sondage? Quelle est la véritable question? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Est-ce que la question, c'est de savoir aujourd'hui où en sont ces jeunes dans la tranche d'âge donc qui a été interrogé? Qu'est-ce qu'ils en savent de la Shoah? Ou est-ce que c'est le terme Shoah en lui-même en tant que notion, que concept, fondamental certes, mais qui est quelque chose de quand même très complexe? Est-ce que c'est cette connaissance qu'il s'agit, ou la connaissance même de l'histoire de la Shoah, qui est quelque chose de fondamental, où aujourd'hui, je pense, dans la société, tout le monde s'accorde à savoir, et les enseignants les premiers en tout cas, qu'on ne pourrait pas en fait avoir le droit presque de faire l'impasse sur ce sujet, sur ce thème. Mais pourtant, voilà, moi je trouve que le sondage, il faut un petit peu le mettre entre parenthèses et réfléchir vraiment à la véritable problématique. Si c'est de s'interroger sur l'état des lieux des connaissances aujourd'hui de cette tranche d'âge, de cette jeunesse ou des jeunes adultes, c'est autre chose. Ces sondages, on en a de manière annuelle. Les sujets sur la Shoah également. C'est important. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la véritable question aussi, et est-ce qu'on se pose ces questions et ce sondage sur d'autres disciplines? On va parler d'histoire ensemble, je pense. Et l'histoire, c'est une mise en perspective aussi d'une matière, d'éléments. On va parler du travail, je l'espère, de l'historien, ce travail de recherche. Mais est-ce qu'on s'interroge sur les mathématiques? Est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé, vous avez parlé ce matin de Louis XIV, est-ce que des sondages sortent sur cet état des lieux? Que savent les Français de Louis XIV? Voilà. Donc, il faut un petit peu relativiser les choses. Et pour en revenir, nous, au cœur de notre métier, le mémorial, donc la volonté, les missions du mémorial, cette transmission, préserver, transmettre, sensibiliser à l'histoire de la Shoah, accompagner les plus jeunes, accompagner les enseignants. Moi, aujourd'hui, et je pense que tous mes collègues partagent cette opinion très certainement, on ne peut pas travailler, on ne peut pas accompagner des élèves si à chaque instant je me demande où en est-on dans les chiffres. Est-ce que cette classe, sur une année, combien d'élèves savent ou pas? Non, on n'avance plus. Voilà, il faut avancer. Il faut mettre les mains dans le cambouis, si je peux me permettre, et être dans le fer. Et c'est ce que vous faites au mémorial de la Shoah, et c'est ce que les enseignants, les enseignantes font au quotidien, et nous le savons tous. Là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de question à se poser avec, comme problématique, c'est quelque chose qui ressort régulièrement, un contraste entre ce que nous pouvons tous ressentir, vous, moi, auditeurs, auditrices, comme cette évidence de cette histoire importante, et puis parfois un décalage avec ce que ressentent les plus jeunes. Et là, pour cette occasion de dimanche, le 13 septembre, la cérémonie du souvenir en mémoire des déportés des victimes de la Shoah, qui sera diffusée sur France 2 en direct à 10h45, il va y avoir un contraste avec ce que les plus jeunes peuvent dire de la Shoah. Donc comment essayer de transmettre l'histoire de la Shoah aux plus jeunes qui évidemment ne l'ont pas vécu et qui ne connaissent cela qu'à travers ce qu'en dit l'enseignant ou l'enseignante, ou alors les films ou autre chose. Quels sont les outils pédagogiques que vous utilisez, vous, par exemple, pour le mémorial de la Shoah ? Alors aujourd'hui, au mémorial de la Shoah, donc je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas l'institution, on est avant tout un centre de documentation, d'archives, un centre d'enseignement, de formation, de pédagogie également, un lieu de mémoire, un musée. Donc ça serait intéressant aussi d'aborder cette question de la mémoire. Et quand vous me parlez des jeunes, de la jeunesse, alors effectivement, dimanche, la thématique sera vraiment les jeunes dans la Shoah. Je fais juste un rapide rebond et retour sur votre sondage, c'est que finalement, ce qui est positif, quand on regarde de plus près la tranche d'âge interrogée, c'est qu'en mettant ces chiffres en perspective, ça voudrait dire que les jeunes générations, celles qui sont scolarisées, ont une bonne connaissance de la Shoah. Donc c'est positif aussi. Il faut aussi savoir voir les chiffres de cette manière-là. Nous, aujourd'hui, au niveau des supports de la matière qu'on peut mettre à disposition justement de ses élèves, mais aussi des enseignants, je le rappelle, l'histoire, c'est quelque chose vraiment, il faut même se mettre d'accord sur ce terme qui n'est pas rien, ce travail sur cette connaissance du passé, ce qui est scientifique, qui est aussi voilà, de l'ordre du savoir. Eh ben, nous, au mémorial, notre colonne vertébrale, si je peux me permettre, c'est l'histoire. On est mémorial, donc on a le terme de mémoire qui est fondamental, qui est indissociable à mon sens du terme même d'histoire, mais la mémoire sans l'histoire n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est quelque chose qui est complémentaire. Mais avant tout, la transmission doit se faire par l'histoire, par les connaissances, par la connaissance que nous avons le devoir au quotidien, pas que le mémorial, un grand nombre d'institutions, mais aujourd'hui nous le mémorial, c'est s'efforcer de travailler avec ces jeunes générations sur la question donc de l'antisémitisme, l'histoire de la Shoah, mais également des génocides. Encore une fois, le travail de l'historien, c'est savoir mettre en perspective des éléments et faire vivre cette matière. Au travers de différents supports, on peut parler des témoins, des témoignages, est quelque chose de fondamental à mon sens. Mais on ne peut pas rentrer par le prisme unique et seul du témoignage pour aborder la complexité même du processus génocidaire, de ce qu'est la Shoah, de l'idéologie nazie. Donc il faut être à même au quotidien de former ses élèves. Alors vous l'avez dit vous-même, une des portes d'entrée, après que les fondamentaux soient bien présents, que ça c'est le rôle également de l'enseignant, c'est d'aborder et de compléter ce travail, de l'approfondir, de l'enrichir par un travail de lecture. Donc il y a quand même des grands classiques, pareil d'un point de vue cinématographique, que ce soit Un sac de billes, que ce soit La liste de Schindler, que ce soit des extraits de Shoah de Claude Lanzmann, c'est des choses essentielles qui font sens. Donc on essaye nous aujourd'hui de travailler avec les élèves en les mettant dans des postures qui ne vont pas à l'encontre des programmes de l'éducation nationale, pas du tout, mais qui vont pouvoir apporter un complément au travail de l'enseignant, c'est-à-dire mettre l'élève dans des situations d'apprentissage où il sera acteur. Et c'est quelque chose de fondamental au mémorial. Donner l'occasion aux élèves d'approfondir et de faire, de maîtriser, de comprendre justement qu'est-ce qu'est le travail du chercheur. Oui, comprendre, c'est vrai que quand vous expliquez ce processus, Marini Bambi, il y a exactement le travail des enseignants, hein, c'est-à-dire apprendre ce qui s'est passé et puis ils le font très bien, ça, et essayer de comprendre. Et parfois, effectivement, il y a l'émotion, mais qui est absolument nécessaire au cœur de l'histoire en soi pour faire comprendre. Cette émotion passe parfois par le témoignage, tout simplement, pour ramener à l'individu une histoire collective. Je vous propose un exemple avec Ginette Kolinka qui parlait dans l'émission Clic. C'était le 23 juin 2019. Moi, je me mets à la place. Les gens qui disent, ils nous racontent des blagues. Moi, je me mets à leur place. Hein. Si je n'y avais pas été, je crois que je ferais pareil. C'est très important. On a encore la chance aujourd'hui qu'il y ait des gens qui soient présents pour témoigner. Et je pense que c'est important de se souvenir aujourd'hui, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, on voit la montée de l'antisémitisme et comme en témoignent les résultats des élections européennes, je pense que c'est extrêmement important. C'est vraiment dur ce qu'elle a vécu et c'est vraiment impressionnant qu'à son âge, elle vienne encore dans les lycées et les collèges pour raconter son histoire. Après vous, à votre avis, qui va raconter ces histoires-là? C'est le grand problème, il ne faut pas exagérer. Mais c'est un peu la question qui se pose. C'est pour ça que vous venez dans les écoles? Eh bien, on pense que ce seront les élèves qui seront nos passeurs de mémoire, on espère. Il ne faut pas que ça se termine par trois lignes dans un livre d'histoire. Sublime Ginette Kolinka, survivante du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, qui parlait dans l'émission Clic sur Canal+, en 2019. C'est un moment toujours d'émotion quand le témoin vient parler en classe, et on l'a entendu ici, les témoins se font rares, et puis le témoin n'est pas nécessaire pour faire passer et l'histoire et la mémoire. Marini Bambi, ce passage, cette transmission est au cœur de votre travail au Mémorial de la Shoah. C'est en fait une lecture globale où il y a, vous l'avez évoqué, les lectures, les discussions, l'enseignant. Voilà, c'est en fait coordonner l'ensemble de ces démarches. On peut vraiment, à juste titre, parler de coordination, effectivement. Ce travail sur la mémoire, ce travail sur le témoignage est fondamental. Vous avez soulevé là et mis en relief des termes tels que l'émotion, j'ajouterais même le sentiment et la mise en garde, attention de ne pas tomber et de n'aborder ce sujet que par l'apport de l'émotion, ça serait une erreur. Ce qui a été fait à quelques dans les années 80, on en est revenu, hein, au même titre que quand on pouvait encore passer très facilement le film Nuit et brouillard. Il y a une émotion, certes, quand des élèves vont entendre et recevoir la parole du témoin. Mais encore une fois, c'est une parole qui, pour la recevoir, pour qu'elle soit audible, il faut être armé. Et nous, notre rôle au Mémorial, c'est quand des élèves ont la chance d'entendre ces témoins. Il y en a de moins en moins, on parle de cette ère de la disparition des témoins, et je pense que c'est pas pour rien. Nous, ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet, en tout cas qui est fondamental au Mémorial, sur comment préserver. Mais la parole du témoin, on ne pourra pas s'en passer. Et je rebondis juste sur, ça me fait penser à Simone Veil, qui en 2002, je crois, Conseil de l'Europe, parlait justement, qui abordait ce sujet, la question de la disparition des témoins, en se demandant qu'est-ce qui va rester et comment nous allons faire ce travail de transmission, et qu'il ne restera peut-être qu'un jour que les livres pour transmettre, pour parler de cette mémoire. Mais la parole n'est pas remplaçable, celle du témoin, qui a pu dire aux élèves, j'y étais et ce fut. Alors, le projet d'un enseignant qui vient au Mémorial, c'est de travailler effectivement peut-être autour des témoignages. Mais il y a également, et c'est fondamental, je tiens à le dire, c'est aussi les voyages à Auschwitz qui sont organisés grâce à notre partenariat aussi avec la région Île-de-France. C'est des ateliers pédagogiques au Mémorial, c'est des visites, c'est des expositions. Et avant tout aussi, c'est des documents qui vont être collectés, un centre d'archives. C'est tout ça qui va faire quand on parle de cette histoire globale, que les élèves auront cette matière pour travailler l'histoire globale, la macro-histoire, mais également la micro-histoire. Et c'est par le témoignage que ça passe, qu'aujourd'hui, on peut avoir cette jeunesse qui va s'intéresser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la notion d'incarnation est importante. Elle va s'intéresser à cette micro-histoire, aux élèves peut-être de son établissement, de sa ville, et chercher les traces, les vestiges, les documents d'archives pour pouvoir comprendre cette histoire. Oui, c'est important ce que vous soulignez, Marini Bambi. L'émotion est une chose qui est nécessaire, mais qui ne suffit pas, notamment qu'il faut maîtriser auprès des jeunes générations, avec des discours de concurrence mémorielle qui apparaissent immédiatement, et que l'histoire telle qu'elle est enseignée de manière factuelle au niveau de l'individu ou de manière plus large est une réponse à apporter. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'espoir contre certains discours assez sombres. Nous évoquions ces sondages, nous voyons des choses circuler sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on parle de l'antisémitisme, c'est un véritable sujet. Je veux dire, la boîte qu'est Internet aujourd'hui a fait exploser toutes ces théories complotistes et antisémitisme, mais encore une fois, qui sont au cœur même du projet nazi. Donc l'aller-retour est fondamental entre ce passé et ce présent, que si cette jeunesse, on veut qu'elle comprenne sa société, ce monde contemporain, à elle de comprendre aussi l'histoire de cette Europe. Voilà, c'est ça, c'est faire comprendre aux plus jeunes que si vous voulez comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut comprendre cette démarche globale qui est un moment compliqué. Dites-nous, Marini Bambi, dans votre expérience, y a-t-il eu des déceptions, des moments où vous sentez que ça bloque ? On peut pas parler de déception, je pense, des moments où ça ralentit, où ça grippe un petit peu. Et à ce moment-là, c'est à nous, en tout cas, à nous de nous renouveler. Je pense que ça, que je vais parler d'une date hein, qui est toujours là au cœur dans beaucoup d'institutions, c'est 2015. On a dû apprendre depuis 2015 au Mémorial à se renouveler, à s'interroger. Et le moment où ça va bloquer, c'est peut-être nous, Mémorial, à se remettre en question pour savoir de quelle manière nous allons continuer à outiller et accompagner ces élèves et à faire notre travail de mémoire et pas devoir de mémoire et continue à sensibiliser. Merci beaucoup Marini Bambi. Merci. Donc il y a le mémorial de la Shoah. Vous dites se remettre en question. Je pense que tous ceux qui enseignent se sentent concernés parce que c'est leur quotidien. C'est leur quotidien. Voilà, et je rappelle la cérémonie du souvenir en mémoire des déportés et des victimes de la Shoah. Ce sera diffusé dimanche en direct à 10h45 sur France 2. Merci beaucoup. Merci. Et il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, la concurrence des guerres et leurs portraits en photo. La grande perdante, s'il y avait une avenue des célébrités des guerres qui nous ont marquées, celle qui a hanté les deux guerres mondiales et qui cette année pouvait enfin espérer quelques échos pour son 150e anniversaire, mais la Covid a frappé, c'est la guerre de 1870. Une guerre franco-prussienne qui a lamentablement achevé l'Empire et du coup la monarchie en France en jetant Napoléon III en prison avant qu'il n'aille se faire oublier en Angleterre. Avec ses charniers et ses fuites pathétiques, 1870, c'est un trauma français, une belle déculottée remportée par ce qui deviendra l'Allemagne. On le comprend, ce conflit décoloré a pourtant été déterminant pour l'histoire de l'Europe. Si 1870 a fondu dans notre culture historique, elle a pourtant laissé de nombreuses traces et une belle influence sur l'imaginaire et les représentations des conflits armés. Parce que la guerre de 1870 est aussi le premier conflit européen massivement photographié. C'est le sujet d'un documentaire de Grit Lederer diffusé sur Arte et intitulé sobrement « Les photographies de la guerre de 1870 ». Elle montre des canons et des bombes, des soldats et des morts. Paris en ruine. Les photographies de la guerre franco-prussienne de 1870-71, qui comptent parmi les plus anciennes du genre, sont à la fois belles et empreintes d'horreur. Dans ces photos, peut-on déceler les éléments d'une conscience historique si l'on s'y attarde un peu ? C'est la question que se pose l'historien de l'art allemand Paul Mellentin. Au cours de la guerre de 1870, on immortalise pour la première fois un tel déchaînement de violence humaine, alors que cet art, encore mineur, sert jusque-là essentiellement de documentation aux peintres de bataille. Mais cet appui iconographique envahit la peinture et l'inspire jusqu'à la changer dans ses cadres et ses points de vue, pour finir par la remplacer dans son monopole des images de la guerre. Et vous l'aurez constaté, la photo de guerre est bien plus courue aujourd'hui que la peinture du même genre. Les destructions au cœur de Paris offrent un attrait supplémentaire. Le frisson de l'horreur toute fraîche et des ruines encore fumantes. Thomas Cook, pionnier du voyage organisé, flaire la bonne affaire et propose des visites guidées de la capitale et de ses décombres. Le spectacle commence et revoilà le théâtre de la guerre. Si ces nombreuses photographies se multiplient, elles participent à un mouvement plus large de spectacularisation de la guerre qui se fait feuilleton dans les journaux et devient une attraction touristique. Une esthétisation qui résonne avec l'expression française « théâtre de guerre », inimaginable en allemand, qui garde toute sa vigueur dans le moment d'après. Après le siège de Paris et ses bombardements, après la Commune de Paris de 1871, qui s'était résolue à transformer la ville pour en faire un espace plus conforme à son projet politique, il ne reste qu'un champ de ruines. Les photographes s'y bousculent une fois revenu l'ordre et les communards envoyés sous terre ou au bagne. Car si la guerre franco-prussienne stimule le goût pour les ruines, l'année suivante, quand la commune est écrasée, ce sont d'autres photographies que l'on retrouve de celles qu'on ne collectionne pas, celles des cadavres de communards. Si l'on célèbre le génie destructeur, leur génie destructeur, on ne supporte pas pour autant la représentation de la mort banale et sans postérité des combattants anonymes disparus. Merci Anaïs Kien d'avoir évoqué la guerre de 1878. Hein, Brassens la vénérait et lui donnait un satisfecit. Oui, mais celle qu'il préférait était la guerre de 14-18. C'était il y a bien longtemps. On retrouve le journal et tous les liens utiles sur notre site internet franceculture.fr. Sur le cours de l'histoire, nous avons étudié la figure du guerrier. Soldats coloniaux, samouraïs, chevaleresses et puis... Quand les hommes ont-ils inventé la guerre? Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. C'est la balado-diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Et la semaine prochaine, comment tu sais? Une histoire de la transmission des savoirs. Oui, comment se transmettaient des savoirs de la pierre taillée jusqu'à l'enfant sauvage qui, lui, ne savait pas? Nous allons nous intéresser à cette transmission des savoirs. Comment tu sais, c'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Odile Joessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou.